Explorons ensemble l'univers du voyage astral. Introduction au voyage astral. Le voyage astral, également connu sous le nom de projection astrale ou d'expérience hors du corps, OBE, est un phénomène intriguant qui a captivé la curiosité de nombreuses personnes à travers l'histoire. Cela fait référence à la capacité de séparer intentionnellement sa conscience ou son âme du corps physique et d'explorer différents domaines d'existence. Cet article plonge dans le domaine fascinant du voyage astral, en donnant un aperçu de ce qu'il est, de son contexte historique et de son importance dans l'exploration des profondeurs de la conscience. Que vous soyez un voyageur chevronné du plan astral ou un débutant curieux, cet article élargira votre compréhension et offrira des informations précieuses sur le monde fascinant du voyage astral. Qu'est-ce que le voyage astral ? Avez-vous déjà souhaité pouvoir explorer le monde au-delà de votre corps physique ? Entrez dans le voyage astral, un phénomène qui vous permet de voyager au-delà des contraintes du monde physique et d'explorer le plan astral. Le voyage astral, également connu sous le nom de projection astrale ou d'expérience hors du corps, OBE, est la capacité de séparer consciemment votre conscience ou votre âme de votre corps physique et de naviguer dans d'autres domaines de l'existence. L'histoire du voyage astral. Les humains sont fascinés par le concept de voyage astral depuis des millénaires. Tout au long de l'histoire, diverses cultures et traditions spirituelles ont exploré et pratiqué des techniques pour induire une projection astrale. Les anciens Égyptiens croyaient en l'existence du Ka, un double astral du corps physique. Dans le bouddhisme tibétain, on dit que le yoga du rêve et les pratiques de rêve lucide facilitent la projection astrale. Le célèbre philosophe et mathématicien René Descartes a également réfléchi à l'idée du voyage astral au XVIIe siècle. Avec une histoire aussi riche, il est clair que le voyage astral a captivé l'imagination des gens à travers différentes cultures et périodes. Dès l'Antiquité grecque, Platon évoquait l'idée de l'âme quittant le corps. Les chamans amérindiens et sibériens pratiquaient des techniques de sortie hors du corps pour communiquer avec les esprits. Au Moyen Âge, des mystiques chrétiens rapportaient des expériences similaires au voyage astral, tout comme la tradition soufie islamique. Au XIXe siècle, le mouvement théosophique a popularisé le voyage astral en Occident. Emmanuel Swedenborg a contribué à réveiller l'intérêt pour le sujet grâce à ses descriptions détaillées. Au XXe siècle, Sylvain Muldoon, Aleister Crowley et Robert Monroe ont écrit à ce sujet, influençant même la création de l'Institut Monroe. Dans les années 1960-1970, les écrits de Jeanne Robert ont attiré un plus large public. De nos jours, des communautés en ligne et des chercheurs comme le Dr Charles Tard continuent d'étudier et de discuter du voyage astral, mêlant approches empiriques et sagesse ancestrale. Comprendre le plan astral. Définir le plan astral. Le plan astral est une dimension ou un domaine dont on pense qu'il existe parallèlement à notre réalité physique. Il est souvent décrit comme une fréquence vibratoire ou un niveau de conscience supérieur à notre plan terrestre. Lorsque nous voyageons dans l'astral, nous déplaçons essentiellement notre conscience vers ce plan astral, où nous pouvons interagir avec d'autres entités, visiter différents endroits et même acquérir des connaissances spirituelles. Caractéristiques du plan astral. Contrairement au monde physique, le plan astral n'est pas lié par les mêmes lois de la physique. C'est un domaine où les pensées peuvent se manifester instantanément, les distances peuvent être parcourues sans effort et le temps est fluide. Dans le plan astral, vous pourriez rencontrer des guides spirituels, des êtres chers décédés ou d'autres voyageurs astraux. Les lieux et les paysages du plan astral peuvent varier de paramètres familiers à des environnements entièrement nouveaux et surréalistes. Dans cet état de conscience, l'imagination et l'intention peuvent façonner vos expériences. Loi de l'attraction et manifestation instantanée. Sur le plan astral, les pensées et les émotions ont un impact direct et immédiat sur l'environnement. La loi de l'attraction y est amplifiée, permettant aux pensées de se manifester instantanément en forme, entité ou expérience. Mobilité et téléportation. Les déplacements sur le plan astral ne sont pas limités par la distance physique ou la gravité. Les voyageurs astraux peuvent se déplacer à volonté, se téléporter d'un lieu à un autre, ou même voler. Fluidité du temps. Le temps sur le plan astral n'est pas linéaire comme dans le monde physique. Il peut être perçu comme rapide, lent, ou même arrêté, selon l'état d'esprit et les intentions du voyageur astral. Rencontres et interactions. Le plan astral est peuplé de diverses entités, y compris des guides spirituels, des êtres chers décédés, des archétypes, et d'autres voyageurs astraux. Les interactions peuvent être positives, neutres ou négatives, en fonction de l'état d'esprit et des intentions de chacun. Environnement variable. Les paysages et les lieux du plan astral peuvent être familiers, inspirés du monde physique, ou totalement surréalistes et inédits. Ils peuvent être influencés par les pensées, les émotions et les croyances du voyageur astral. Couleurs et lumières vibrantes. Le plan astral est souvent décrit comme étant rempli de couleurs et de lumières vibrantes, plus intenses et plus variées que celles du monde physique. Expansion de la conscience. Le voyage astral permet une expansion de la conscience, offrant une perspective plus large et plus profonde sur la réalité, la spiritualité et le soi. Sécurité et protection. Bien que le plan astral puisse présenter des défis, il est important de noter que les voyageurs astraux peuvent se protéger en maintenant une intention positive, en invoquant des guides spirituels ou en utilisant des techniques de protection énergétique. Apprentissage et croissance. Le plan astral offre de nombreuses opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle, permettant aux voyageurs astraux de développer leur intuition, leur créativité et leur sagesse intérieure. Connexion avec l'univers. Enfin, le plan astral offre une connexion profonde avec l'univers, permettant aux voyageurs astraux de ressentir un sentiment d'unité et d'interconnexion avec toutes les formes de vie et de conscience. Technique de projection astrale. Méditation et pleine conscience. L'une des techniques les plus courantes pour initier la projection astrale est la méditation et les pratiques de pleine conscience. En calmant votre esprit, en vous concentrant sur votre respiration et en entrant dans un état méditatif profond, vous pouvez augmenter vos chances de réaliser une expérience hors du corps. La méditation aide à calmer l'esprit, vous permettant de vous détacher de votre corps physique et d'explorer le royaume astral. Visualisation et affirmation. La visualisation et les affirmations jouent un rôle important dans les techniques de projection astrale. En vous imaginant flottant au-dessus de votre corps physique et en affirmant votre intention de voyager dans l'astral, vous pouvez créer une image mentale forte qui aide à séparer votre conscience de votre corps. Les techniques de visualisation aident à rediriger votre concentration vers le plan astral et à augmenter vos chances de faire l'expérience d'un OBE. Battements binauraux et thérapie par le son. Les battements binauraux et la thérapie par le son ont gagné en popularité parmi ceux qui cherchent à induire une projection astrale. Ces techniques utilisent des fréquences et des sons spécifiques censés synchroniser les modèles d'ondes cérébrales, facilitant ainsi l'entrée dans des états de conscience modifiés. En écoutant des pistes audio spécialement conçues, vous pouvez stimuler votre cerveau pour qu'il entre dans la fréquence souhaitée pour le voyage astral, aidant ainsi au détachement de votre conscience de votre corps physique. Technique de la corde. Cette méthode consiste à visualiser une corde imaginaire suspendue au-dessus de vous lorsque vous êtes allongé. Concentrez-vous sur l'action de tirer sur cette corde pour extraire votre corps astral de votre corps physique. Cette technique aide à créer la sensation de séparation nécessaire au voyage astral. Méthode du point de focalisation. Choisissez un point fixe dans la pièce et concentrez-vous dessus intensément, en gardant les yeux fermés. Imaginez que votre conscience se déplace vers ce point. Cette technique aide à déplacer votre attention hors de votre corps physique. Induction par le rêve lucide. Certains pratiquants utilisent le rêve lucide comme tremplin vers la projection astrale. En devenant conscient que vous êtes en train de rêver, vous pouvez tenter de vous projeter hors du rêve et dans le plan astral. Technique de la respiration rythmique. Pratiquez une respiration profonde et rythmée, en vous concentrant sur chaque inspiration et expiration. Au fur et à mesure que votre corps se détend, imaginez votre conscience s'élever avec chaque expiration. Méthode de la rotation du corps. Allongé, imaginez votre corps astral tournant lentement sur lui-même, comme s'il pivotait sur un axe. Cette sensation de mouvement peut aider à induire la séparation du corps astral. L'intention et la persévérance. Au-delà des techniques spécifiques, la clé du succès dans la projection astrale réside dans la force de votre intention et votre persévérance. Il est crucial de cultiver un désir sincère d'explorer le plan astral et de maintenir une pratique régulière, même si les résultats ne sont pas immédiats. La patience, la discipline et la confiance en soi sont des atouts précieux pour réussir vos voyages astraux. Ces techniques peuvent être pratiquées seules ou en combinaison pour augmenter les chances de réussir une projection astrale. Il est important de noter que la patience et la pratique régulière sont essentielles, car la capacité à projeter astralement varie considérablement d'une personne à l'autre. Avantages et risques du voyage astral. Avantages du voyage astral. Le voyage astral offre une gamme d'avantages potentiels. D'abord et avant tout, il procure un sens profond d'exploration et de croissance spirituelle. Grâce à la projection astrale, vous pouvez mieux comprendre votre propre conscience, vous connecter à des domaines de connaissances supérieurs et élargir votre perception de la réalité. De nombreuses personnes déclarent également ressentir un plus grand sentiment d'interdépendance avec l'univers et une compréhension approfondie de leur but dans la vie. Risques et défis potentiels. Bien que le voyage astral puisse être une expérience fascinante et transformatrice, il est important de l'aborder avec prudence. Certaines personnes peuvent rencontrer des expériences difficiles ou désagréables pendant la projection astrale, y compris des rencontres avec des entités négatives ou des difficultés à retourner dans leur corps physique. Il est crucial de maintenir un état d'esprit ancré et équilibré, de pratiquer des techniques de protection et de demander conseil à des praticiens expérimentés ou à des mentors spirituels pour minimiser les risques potentiels. Ainsi, que vous soyez un chercheur spirituel ou simplement curieux des mystères du plan astral, le voyage astral offre un voyage fascinant dans des domaines au-delà de nos contraintes physiques. Avec les bonnes techniques, l'état d'esprit et le respect de l'inconnu, vous pourriez bien ouvrir les portes d'un tout nouveau domaine de conscience. Bon voyage! Explorez différents royaumes pendant la projection astrale. Les royaumes élémentaires. Ils sont des dimensions associées aux quatre éléments fondamentaux, la terre, l'eau, l'air et le feu. Lors de projections astrales, certains explorateurs rapportent avoir visité ces royaumes, chacun ayant ses propres caractéristiques et entités. Par exemple, le royaume de l'eau peut apparaître comme un vaste océan éthérique peuplé d'êtres aquatiques lumineux, tandis que le royaume du feu pourrait ressembler à un paysage volcanique habité par des salamandres de feu. Ces royaumes offrent des opportunités uniques d'apprentissage sur les forces élémentaires de l'univers. Les royaumes akashiques. Les archives akashiques sont considérées comme une bibliothèque cosmique contenant toute l'information et l'expérience de l'âme à travers ses incarnations. Pendant la projection astrale, certains pratiquants affirment pouvoir accéder à ces archives et consulter des informations sur leur vie passée, leur mission de vie actuelle, ou même des connaissances universelles. Ce royaume est souvent décrit comme un espace infini rempli de livres lumineux ou de cristaux contenant des informations. Les royaumes de guérison. Il existe des royaumes spécifiquement dédiés à la guérison énergétique et spirituelle. Ces dimensions sont souvent décrites comme des espaces de lumière pure, où des êtres bienveillants assistent les voyageurs astraux dans leur processus de guérison. Ces royaumes peuvent aider à libérer des blocages énergétiques, à guérir des traumatismes émotionnels ou à restaurer l'équilibre du corps énergétique. Les royaumes créatifs. Certains explorateurs astraux rapportent avoir visité des royaumes où la pensée et l'imagination se manifestent instantanément. Ces dimensions permettent une expérience directe du pouvoir créatif de la conscience. Les voyageurs peuvent expérimenter la création de formes, de paysages ou même d'univers entiers par la simple force de leur pensée, offrant ainsi des perspectives uniques sur la nature de la réalité et de la création. Royaume supérieur et dimension spirituelle. Imaginez pouvoir voyager vers des royaumes supérieurs et des dimensions spirituelles sans même quitter votre corps physique. Le voyage astral, également connu sous le nom de projection astrale, vous permet de faire exactement cela. Pendant la projection astrale, votre conscience se sépare de votre corps physique, vous donnant la liberté d'explorer des royaumes au-delà du monde physique. Ces royaumes supérieurs sont souvent associés à des expériences spirituelles, où vous pouvez vous connecter avec des êtres supérieurs, recevoir des conseils et acquérir des connaissances approfondies. Le plan astral et les royaumes terrestres. En explorant différents royaumes lors de la projection astrale, vous pouvez également rencontrer le plan astral et les royaumes terrestres. Le plan astral est une dimension qui existe parallèlement à notre réalité physique mais qui fonctionne à une fréquence vibratoire plus élevée. On pense que c'est un royaume où la conscience voyage entre les incarnations et où résident les esprits et les entités. Les royaumes terrestres, en revanche, sont des dimensions parallèles qui reflètent notre monde physique. Ils peuvent souvent sembler similaires à notre réalité, avec de légères différences ou des versions alternatives de lieux familiers. Améliorer la croissance spirituelle grâce au voyage astral. Connexion avec les guides spirituels et le soi supérieur. L'un des aspects les plus profonds du voyage astral est la capacité de se connecter avec des guides spirituels, un moi supérieur et d'autres entités spirituelles. Ces êtres peuvent offrir des conseils, de la sagesse et du soutien dans votre cheminement spirituel. Grâce à la projection astrale, vous pouvez établir une connexion directe avec eux, recevoir des informations et des messages qui peuvent vous aider à relever les défis de la vie et à prendre des décisions alignées sur votre plus grand bien. Gagner en perspicacité et en sagesse. Le voyage astral offre également une occasion unique d'acquérir des connaissances et une sagesse profonde. Au fur et à mesure que vous explorez différents domaines et interagissez avec des êtres supérieurs, vous pouvez recevoir des téléchargements de connaissances, vivre de profonds moments de clarté et en venir à comprendre les vérités plus profondes de l'existence. Cette nouvelle sagesse peut avoir un impact transformateur sur votre croissance spirituelle, améliorant votre compréhension de vous-même et de l'univers. Explorez des dimensions supérieures. Le voyage astral permet d'accéder à des dimensions et plans d'existence plus élevés, au-delà du monde physique. En explorant ces royaumes subtils, vous pouvez élargir votre conscience et votre compréhension de la réalité multidimensionnelle. Cela peut conduire à des expériences profondes d'unité cosmique et d'interconnexion avec toute vie. Surmonter les peurs et limitations. La pratique régulière du voyage astral aide à surmonter les peurs liées à la mort et à l'inconnu. En expérimentant la séparation temporaire du corps physique, vous réalisez que la conscience survit au-delà du corps. Cela peut réduire l'anxiété existentielle et vous libérer de nombreuses limitations auto-imposées. Accélérer l'éveil spirituel. Les expériences hors du corps peuvent catalyser des prises de conscience spirituelles profondes et accélérer votre processus d'éveil. Elles offrent un accès direct à des états de conscience élargis et peuvent déclencher des expériences mystiques transformatrices. Expansion de la conscience et de la perception. Voyager dans l'astral permet une expansion significative de la conscience et de la perception. Lorsque vous vous projetez hors du corps physique, vous accédez à des dimensions et des réalités subtiles qui transcendent les limites de votre perception ordinaire. Vous pouvez ainsi développer une conscience plus élargie, percevoir des énergies et des phénomènes invisibles à l'œil nu, et accéder à des niveaux de compréhension plus profonds. Cette expansion de la conscience vous aide à vous dégager des schémas de pensée limités et vous ouvre à une vision plus holistique de l'existence. Purification et élévation vibratoire. Le voyage astral facilite également un processus de purification et d'élévation vibratoire. Lorsque vous explorez les royaumes astraux, vous entrez en contact avec des énergies plus élevées et des fréquences plus subtiles. Ce processus contribue à la purification et au raffinement de votre corps énergétique, vous permettant de vous aligner davantage avec votre essence divine. Au fil de vos voyages astraux, vous pouvez ainsi élever votre vibration, vous libérer des blocages émotionnels et spirituels, et atteindre des états de conscience plus élevés. Développement des dons psychiques et intuitifs. Enfin, le voyage astral peut stimuler le développement de vos dons psychiques et intuitifs. Lorsque vous vous projetez dans le plan astral, vous accédez à des réalités où les capacités extrasensorielles sont amplifiées. Vous pouvez ainsi aiguiser votre clairvoyance, votre clairaudience, votre claircognition et d'autres facultés intuitives. Cette expansion de vos sens subtils vous aide à mieux percevoir les messages, les énergies et les informations qui vous guident sur le chemin de votre évolution spirituelle. Idées fausses courantes sur le voyage astral. Projection astrale contre rêve lucide. La projection astrale est souvent confondue avec le rêve lucide, mais ce sont des expériences distinctes. Alors que les deux impliquent des états de conscience modifiés, on pense que la projection astrale implique la séparation de la conscience du corps physique, permettant de voyager dans différents domaines, tandis que le rêve lucide se produit dans l'état de rêve lui-même. En projection astrale, l'expérience semble plus vivante et réelle, avec un sens accru de conscience et de contrôle. Est-ce que n'importe qui peut voyager dans l'astral? Le voyage astral est un phénomène fascinant, mais tout le monde ne peut pas y parvenir facilement. Cela demande de la pratique, de la patience et une forte intention d'explorer au-delà du domaine physique. Certaines personnes peuvent naturellement avoir une prédisposition pour la projection astrale, tandis que d'autres peuvent avoir besoin de développer leurs compétences grâce à des techniques telles que la méditation, la visualisation et le travail énergétique. Cependant, avec du dévouement et de la pratique, n'importe qui peut potentiellement déverrouiller la capacité de voyager dans l'astral. Réflexion finale et conseils pour un voyage astral réussi. se préparer à la projection astrale. Avant de vous lancer dans un voyage astral, il est essentiel de préparer à la fois votre esprit et votre corps. Créez un environnement apaisant et confortable, sans distraction. Engagez-vous dans des techniques de relaxation telles que la respiration profonde ou la méditation pour calmer l'esprit et entrer dans un état de relaxation profonde. Définir une intention claire et visualiser la destination ou l'expérience que vous souhaitez peut également augmenter vos chances de réussite de la projection astrale. Conseils pratiques pour une expérience de voyage astral réussie. Pendant la projection astrale, le maintien de la concentration et de l'intention est crucial. Pratiquez la pleine conscience et restez conscient de vos pensées et de vos émotions tout au long du processus. Évitez la peur ou le doute, car ils peuvent entraver votre progression. De plus, tenir un journal des rêves pour enregistrer vos expériences peut vous aider à suivre vos progrès et à comprendre les thèmes ou symboles récurrents. Enfin, n'oubliez pas d'aborder le voyage astral avec un esprit ouvert, de la curiosité et un sens de l'aventure après tout. Explorer différents royaumes n'est pas une mince affaire. En conclusion, le voyage astral ouvre un vaste domaine de possibilités pour ceux qui cherchent à explorer au-delà les confins du monde physique. Il offre une opportunité unique de se connecter avec des royaumes supérieurs, d'acquérir des connaissances spirituelles et d'élargir notre conscience. Alors que le voyage astral peut venir avec son propre ensemble de défis et d'idées fausses, avec de la pratique et des conseils appropriés, il peut devenir un outil profond pour la croissance personnelle et la découverte de soi. Alors, lancez-vous dans cet incroyable voyage avec un esprit ouvert et un esprit d'aventure, et que vos voyages astraux vous mènent vers de nouvelles dimensions de compréhension et d'illumination. Voyagez en toute sécurité,